T'as reconnu le style? Les projecteurs ne s'allument toujours pas, je m'éclaire à la bougie. Je ne te félicite pas, ton discours c'est le rap que ça bousille. Mon album est sombre et y'a pas trop de quoi rire. On mène une vie sauvage, des fois je me crois aux eaux de Thoiry. J'avance comme un lièvre et je m'en tape de ta sale tortue. Y'a trop de merde, Carna va bientôt faire le ramassage d'ordures. Protégez-vous les oreilles, vous n'êtes pas habitués à force de recevoir du son de mauvaise qualité. Ils voulaient pas que je rentre, ils savent que je suis un type valable. Les portes étaient bloquées, j'ai du trafic et le service d'alarme. Tu parles de quoi? Tu veux foutre le feu mon gars, vas-y. Le rap est dans le coma, j'hésite à pratiquer l'euthanasie. T'es dans la zic, tu veux t'éterniser là. Mais le rap c'est pas ton territoire, y'a plein de mecs qui ont déjà pissé là. Pour avoir enfin un album qui crée des surprises, il aura fallu attendre 2009 après Jésus-Christ. Arrête de bégayer, on n'est pas de la même pointure. Tu nagerais dans mes chaussures si tu les essayais. Mais tu critiques qui, quoi, où, comment, hein? Ton talent d'artiste finit là où je commence. Arrête de bégayer, on n'est pas de la même pointure. Tu nagerais dans mes chaussures si tu les essayais. Mais tu critiques qui, quoi, où, comment, hein? Ton talent d'artiste finit là où je commence. Ils font des clips lourds et font les vrais rebelles qui roulent en Porsche. Mais je les crois sur ma ligne de RER. Les mecs se prennent pour des grossistes qui font du rap. Ils galèrent l'été à Paris pendant que je bronze au Honduras. Mais morceaux sont durables, faut que tes potes achètent. Je suis resté à l'ancienne comme un poste cassette, mec. Tu sais pas rapper sans dire wesh wesh yo. Je crois que t'as écrit tes textes dans tête tête chaude. Ouais, t'es peut-être chaud mais t'as pas le niveau nécessaire. Quand je rappe, tu suis du front et au niveau des aisselles. Donc laisse faire les autres, ceux qui s'y connaissent. Toi t'es pire qu'une gonzesse, tu viens de perdre les os. Arrête de bégayer, on n'est pas de la même pointure. Tu nagerais dans mes chaussures si tu les essayais. Mais tu critiques qui, quoi, où, comment, hein? Ton talent d'artiste finit là où je commence. Arrête de bégayer, on n'est pas de la même pointure. Tu nagerais dans mes chaussures si tu les essayais. Mais tu critiques qui, quoi, où, comment, hein? Ton talent d'artiste finit là où je commence. Faut que je te recadre, télécharger les MC pourris, ça n'a pas de prix. Pour mon album y'a Mastercard. Ils croient en moi comme quand un pasteur parle. J'entends carnaval, imolo, tes rimes tabassent leur crâne. Y'a plus d'amour même quand ta femme te regarde. Pour leur petit ami les gosses aménagent leur cave. Comment veux-tu que les darons gardent leur calme? Et je continuerai jusqu'à ce que ton ghetto blaster crame. Arrête de bégayer, on n'est pas de la même pointure. Tu nagerais dans mes chaussures si tu les essayais. Mais tu critiques qui, quoi, où, comment, hein? Ton talent d'artiste finit là où je commence. Arrête de bégayer, on n'est pas de la même pointure. Tu nagerais dans mes chaussures si tu les essayais. Mais tu critiques qui, quoi, où, comment, hein? Ton talent d'artiste finit là où je commence.